empaillonné, ligoté. We Power, refonte totale. Révolutionnaire parce que sexy. Révolutionnaire parce que devant l'évidence de la catastrophe, devant l'évidence, devant l'évidence de la catastrophe. Ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. We'll be right back. Try to get Heureusement en formation contre le vent, une équipe se lève, s'organise, formation contre le vent. bête qui est mauvaise. Raison de plus pour ne plus attendre, ne plus espérer. Arrêtez de se laisser distraire, désarçonner. Pousser, forcer la porte du présent. Thank you. I'm going right now.